grandi sans joie au milieu d'un village dont le modeste nom le fait souvent rougir. Personne ne l'aimait. Les enfants de son âge se disputaient l'honneur de le faire punir. Méchant par vanité, par intérêt servile, il avait l'œil, le pied dans tout mauvais complot. Il savait exploiter le mal même inutile, et pour un sou honteux, il risquait le cachot. Devenu ce qu'il promettait d'être, un sordide égoïste à l'esprit corrompu. Rien de grand, rien de saint n'illumine cet être. L'aspect d'un beau soleil ne l'a jamais ému. Un temple n'est pour lui qu'un tas de pierres brutes. Il hait les arts sacrés qui dorent nos ennuis. Mais il aime la fange et les plaisirs des brutes, et pour s'en assouvir, il vendrait son pays. En une heure, 11 mois de la vie de toute une famille immolée en riant. Il revient tête nue et la veste fouillée, un feu morne dans l'œil où couve l'impudeur, des blasphèmes sans nom sur la lèvre souillée, le corps ployé, saignant, hideux à faire peur. Sa femme qui s'enfuit d'épouvante en voyant se dresser au-dessus de son sein cette tête de flamme et ce bras qui flétrit en voulant caresser. Puis, quand il a cuvé la honte de son œuvre, il prétend tout soumettre à sa haute raison, du fils jusqu'à l'aïeul, de l'artiste aux manœuvres. Tous doivent à ses pieds ramper dans la maison. Ses enfants et debout, le front haut, dans sa sottise altière, il reçoit gravement les saluts des passants. Pourtant, tel qu'il est là, c'est un très honnête homme. Il paye exactement les impôts de l'État. Il n'a jamais, dit-on, volé la moindre somme. Il est même électeur, quelquefois magistrat. Tombé sous sa sentence, expie au pilori le crime de la faim, il peut le contempler avec indifférence et dire « Oh, la canaille !» et passer son chemin.